La Dame aux luttes par Léopold von Sacher-Masoch. Amsterdam est vraiment la ville la plus ennuyeuse que Dieu ait créée, s'écrie un promeneur qui longeait le canal du Nord par un soir brumeux d'octobre de l'année 1691. C'était un tout jeune homme au visage sympathique, à la physionomie intelligente. Il était bien bâti et habillé avec élégance. Le vrai type de fashionable de l'époque, avec ce dandinement nonchalant qui trahit de suite l'artiste. Le jeune mécontent regretta presque aussitôt d'avoir prononcé des paroles si peu flatteuses pour la ville, où il pensait faire son bonheur. Il se retourna et sourit. Personne n'avait entendu son exclamation, sauf peut-être la nymphe de pierre qui ornait le jardin voisin. Mais celle-là n'était pas à craindre. Il continuait sa route, quand soudain des sons harmonieux caressèrent ses oreilles. On jouait un prélude sur le luth, puis une voix de femme s'éleva, harmonieuse et pure, faisant entendre une romance italienne. L'étranger s'arrêta court, écouta attentivement, secoua la tête en signe d'admiration, écouta de nouveau, et lorsque le dernier son se perdit dans le lointain, il battit des mains et cria « Bravo !» Dans le jardin se dressait une petite construction à galerie ouverte, qu'un mauvais génie semblait avoir apporté du sud. Dans cette galerie italienne, couverte à l'extérieur de vignes vierges, apparut une ravissante jeune fille, véritable portrait de la femme hollandaise. Une figure ronde et fraîche, encadrée de cheveux blonds dorés. Elle portait une robe de soie blanche à traîne et une jaquette de soie écarlate garnie de fourrure. Elle tenait un luth de la main droite, tandis que ses grands yeux noirs cherchaient à découvrir sur la route le connaisseur qui venait d'applaudir à sa voix des mains et des lèvres. Le jeune homme ôta son chapeau et fit mine de parler à la belle, mais de la main elle lui fit signe de calmer son audace et disparut aussitôt dans la maison. L'étranger se dirigea vers l'auberge la plus voisine, jeta sur le papier une délicieuse romance dont il avait composé les paroles et la musique, puis il revint vers la maison isolée, lança à l'aide d'une pierre son originale déclaration d'amour dans la galerie ouverte, après quoi il prit la fuite. Le lendemain matin, il apprit que la maison appartenait à Peter von Slingeland, un peintre de talent, que la belle chanteuse était sa nièce, Jacoba Hinbens, et qui lui servait parfois de modèle. C'était toujours sous ses traits qu'il enchantait ses toiles magnifiques. Tantôt elle figurait une grande dame, alors elle revêtait la robe à traîne et le corsage de soie. Tantôt il la représentait jouant avec un perroquet ou cueillant le raisin ou contemplant un coffret à bijoux. Le soir, l'étranger se glissa de nouveau contre les murs du jardin. Jacoba apparut et lui fit signe. En un clin d'œil, le jeune homme escalada le mur et fut dans le jardin. La belle hollandaise descendit les escaliers à la hâte, et le galant étranger se jeta aussitôt à ses pieds. « De grâce, monsieur, ne commettez pas d'imprudence !» lui dit Jacoba. « Il est bien difficile, mademoiselle, de garder toute sa raison devant vos jolis yeux, » repartit l'étranger, qui se releva et porta respectueusement à ses lèvres la blanche main de la Vénus hollandaise. Puis il se présenta sous le nom de Reinhard Kaiser, artiste musicien de Leipzig. Quoiqu'il n'eût que 18 ans, ses façons, ses paroles révélaient déjà le musicien accompli. « Je suis ravi d'avoir fait la connaissance d'un jeune Apollon, » répondit la belle blonde avec un sourire, « car je suis aussi très passionné pour la musique. Mais de grâce, renoncez à me voir. Mon oncle me surveille de près, et si jamais il soupçonnait que je serve le dieu de l'amour autrement que pour ses tableaux, il me chasserait sur le champ. Que deviendrais-je alors, moi, pauvre jeune fille, orpheline et sans aucune ressource ? N'avez-vous pas votre talent ? Riposta le jeune homme. Ce serait un beau rêve pour moi. Malheureusement, il ne peut se réaliser, ajouta-t-elle avec tristesse. Nous verrons bien, poursuivit l'audacieux musicien, mais tout d'abord, vous ne m'échapperez pas aussi facilement. Demain, j'irai moi-même, me présentait maître Slingeland. Kaiser fredonna un couplet, enjamba le mur, et disparut en envoyant un baiser à la belle. Jacoba ne fut guère surprise lorsque le lendemain, dans l'après-midi, son oncle l'appela pour faire connaissance avec son nouvel élève, c'était Kaiser. « Assieds-toi, tel que tu es, ton luth à la main, » lui dit l'artiste, « et vous, mein Herr Kaiser, faites-moi tant bien que mal le portrait de cette jeune fille. Votre esquisse me suffira pour juger de vos aptitudes pour la peinture. » Jacoba prit place dans un fauteuil à côté d'une table chargée de fleurs, ses petits pieds sur un escabeau, le luth dans son giron. Sans se décourager, Kaiser s'arma de son pinceau et commença à peindre. Aux premières couleurs qu'il coucha sur la toile, le maître secoua la tête. Il installa une autre toile sur le chevalet et peignit lui-même. « Faites attention à ce que je fais, » dit-il. « Observez bien. Restez derrière moi et regardez aussi attentivement le modèle que la toile. » Kaiser obéit, mais bientôt son regard ne put se détacher de la belle jeune fille qui eut beaucoup de peine à garder son sérieux. À tout moment, elle pinçait ses lèvres pour ne pas rire aux éclats. Quelques journées se passèrent ainsi, le maître et l'élève travaillant tous deux le même modèle. Son travail achevé, Slingeland voulut se rendre compte de l'ouvrage de Kaiser. Un coup d'œil suffit, il partit d'un éclat de rire. « Hélas non, mon cher monsieur, » lui dit-il, « vous n'avez pas le moindre goût pour la peinture. Les cheveux que vous avez dessinés là ressemblent à de la paille. Les bras sont difformes et on peut prendre le luth pour une citrouille. Non, non, mon ami, il ne faut plus y penser. » Pendant ce temps, Kaiser tombait en ravissement devant le portrait du maître, qu'il avait baptisé lui-même du nom de la dame du luth. La nature, en effet, était reproduite dans tout son éclat, les tons, les couleurs, tout révélait le maître. « Vous avez raison, » répondit Kaiser, « je ne suis pas peintre, mais peut-être ai-je un autre mérite. Écoutez-moi, je vous prie. » Il s'assit devant un petit piano, préluda quelques instants et joua une de ses compositions. Slingeland écoutait, le menton dans la main, et secoua la tête en signe d'admiration. « De qui est ce morceau ? » demanda-t-il. « De moi ? De vous ?» Slingeland se leva, et frappant sur l'épaule du jeune homme, il lui dit « Mes compliments, mein Herr, vous jouez à merveille. À coup sûr, on entendra parler de vous plus tard. » Kaiser, flatté du compliment, s'inclina devant le maître. Le jeune musicien fréquentait maintenant la maison du peintre sans que celui-ci en parût contrarié. Pendant que Jacoba, assise devant son oncle, figurait tour à tour la dame au miroir, l'ami des fleurs, la jeune fille à la lettre, Kaiser se tenait au piano, exécutait sa romance favorite. Parfois ils chantaient tous les deux et Jacoba s'accompagnait sur son luth. Kaiser composa alors son opéra Adonis. Il communiqua son œuvre pièce par pièce au maître et à sa nièce. Sitôt qu'il achevait une page, il la soumettait à leur appréciation. Un jour, il eut le bonheur de se trouver seul dans le jardin avec Jacoba. Il lui déclara avec enthousiasme qu'elle était la déesse qui lui avait inspiré son œuvre et sa Vénus. Jacoba haussa les épaules et lui dit avec une ironie toute gracieuse « Je ne puis empêcher votre imagination de courir ses champs. Mais encore une fois, soyez prudent et faites en sorte que mon oncle ne prenne mal votre exaltation. « Si je vous appelle ma Vénus, » repartit Kaiser, chagriné de l'avertissement de la jeune fille, « j'ai pour cela deux raisons. D'abord parce que je vous aime, Jacoba. Vous ne le croyez pas vous-même, je vous le jure. Et ensuite, parce que vous êtes la seule qui puisse y remplir le rôle de Vénus sur la scène. C'est de la flatterie. Ce sera un malheur qu'une voix aussi précieuse que la vôtre demeurera tout jamais enterrée dans l'atelier de maître Slingeland. J'admets, poursuivit le musicien, que vous soyez le plus pur idéal pour un peintre, mais avant tout vous êtes née pour devenir musicienne. Dès aujourd'hui, je vous fais ma muse. » Lorsque Slingeland revint à la maison, le jeune étranger lui exposa d'une façon brève le plan qu'il avait conçu au sujet de Jacoba. Il lui assurait qu'elle avait toutes les qualités requises pour faire une excellente artiste, lui offrit d'achever son éducation et de la conduire d'abord à Wolfenbüttel, où il avait été appelé pour conduire lui-même son œuvre. « Je vous souhaite beaucoup de succès à Wolfenbüttel, » répondit le peintre, « mais je garde ma nièce, et pour que ne vous berciez plus dans de vaines illusions, je vous prie, mein Herr Kaiser, de cesser vos visites. » En vain le jeune homme chercha-t-il à persuader à l'oncle que ses intentions étaient bonnes. Slingeland ne se laissa pas attendrir, et Kaiser n'eut plus qu'à prendre son chapeau et à se retirer. Le lendemain, Jacoba découvrit une lettre de Kaiser au milieu des fleurs qu'elle avait à sa fenêtre. La missive était écrite, partie en vers, partie en prose, et se terminait par un couplet. Il lui jurait un amour éternel, une félicité constante, et lui demandait un rendez-vous. La lettre resta sans réponse. Une deuxième, une troisième subirent le même sort. Mais la quatrième parut toucher le cœur de la belle, car lorsque le jeune étranger parut sous ses fenêtres, une orange vint tomber à ses pieds. elle était enveloppée dans une feuille de papier sur laquelle la belle Hollandaise, dans un style sans emphase, mais clair, lui donnait pour le soir même rendez-vous à la porte du jardin. À l'heure fixée, Jacoba se tenait à la porte. La rue était déserte, personne ne pouvait écouter dans le parc, sinon l'astre du soir, le confident des amoureux. Il ne parut guère surpris lorsqu'il vit la vertueuse Jacoba accueillir avec un rire suave le jeune musicien qui, à peine arrivé, se jeta à ses pieds et prit l'attitude du héros de son chef-d'œuvre pour lui déclarer une nouvelle fois toute sa flamme. La lune ne fut pas davantage surprise quand Jacoba s'abandonna à la douce étreinte du jeune homme. Au premier abord, Jacoba songea aux suites désagréables de cette audacieuse aventure. Mais il finit par donner raison à sa petite tête. Son idée était prise dès maintenant et arrive ce que voudra, quoique les projets du jeune homme lui parussent pleins de difficultés. La partie était donc gagnée pour Kaiser. Il ne lui restait plus qu'à prendre ses dispositions. Le vieux peintre, la méfiance même, sans s'en douter, vint à son aide. Forcé de s'absenter pour quelques jours et ne permettant pas à sa nièce de quitter la maison, il l'enferma dans son atelier. L'orgueil de la jeune fille se révolta et réveilla en elle un reste de mutinerie. Un beau jour, Kaiser pénétra nuitamment par la cheminée dans la chambre de la belle prisonnière, qui n'hésita plus à fuir avec lui. Le lendemain, à la même heure, elle se tenait à sa fenêtre, complètement habillée, et observant à travers la nuit, et bientôt une tête se montra dans l'obscurité. Elle accueillit le jeune audacieux par un sourire, et après lui avoir exposé son plan, elle traça là, sur une feuille de papier, quelques lignes pour son oncle. Puis elle recueillit çà et là quelques objets de valeur auxquels elle tenait, se drapa dans un énorme manteau qui la rendait méconnaissable et descendit par la fenêtre au moyen d'une échelle de cordes. Au moment où elle mit pied à terre dans le jardin, Kaiser la reçut dans ses bras. La petite porte du jardin se referma sur eux et ainsi leur fuite avait réussi. Un messager les attendait près du canal et les conduisit au port où stationnait un navire anglais. Le lendemain matin, les deux amoureux débarquaient à Anvers. De là, ils se rendirent à Wolfenbüttel, où Kaiser acheva l'éducation de sa bien-aimée pour la préparer à se montrer sur la scène. Elle fit ses débuts l'année suivante dans un opéra nouvellement créé par le jeune maître. Musicien et cantatrice obtinrent un grand succès. Leur triomphe fut complet le jour où ils échangèrent l'anneau du mariage au pied des autels. En 1694, Kaiser était à Hambourg. C'est là que commencèrent ses véritables succès. Il prépara alors pour la scène son opéra Basilius, et mettait la dernière main à son chef-d'œuvre Adonis. Le jeune maître n'était pas seulement connu des Hambourgeois, mais l'Allemagne entière l'acclamait. Ses opéras étaient joués dans toutes les principales villes. Jacoba avait une part dans son triomphe, car c'était pour elle qu'il composait ses pièces. Comme il le lui avait dit jadis, elle restait sa muse. Mais elle ne fut jamais en état de faire de son mari un homme raisonnable. Kaiser était et restait un viveur, léger et gracieux comme sa musique, un esclave des jolies femmes, amoureux du luxe et du vin aux couleurs chatoyantes. Il était toujours criblé de dettes. Il avait plutôt l'extérieur d'un cavalier que celui d'un musicien. Habillé comme un céladon, on le voyait toujours par les rues, suivi de deux domestiques en livrée rouge. Et fatigué du surnom de cravate blanche qu'on lui avait décerné, il poussa la vanité jusqu'à se faire appeler le premier homme du monde. C'était la Dame aux luttes, par Léopold von Sacher-Masoch.